Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Bonjour à tous et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 8 janvier, la toute première émission de cette année 2025. Notre invité est maître de conférences émérite en sociologie et rattaché au centre Max Weber de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il est spécialiste du monde du théâtre et a consacré une partie de ses recherches aux luttes et aux revendications des intermittents du spectacle. À ce titre, une part de ses recherches porte sur l'organisation contemporaine du travail et la situation des organisations syndicales. Il s'intéresse au débat qui oppose les intellectuels sur l'état de la société française. Serge Proust, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Tu seras accompagné tout au long de cette émission par l'historien Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel et merci de ta présence. Bonjour, bonjour à tous. Alors l'émission d'aujourd'hui sera la première d'une série consacrée à la préparation des 8e rencontres d'histoire ouvrière que le Grémos a programmée pour les jeudis 11 et vendredi 12 décembre 2025, à vos agendas donc, et qui s'attacheront à étudier le grand mouvement social de l'automne 1995. Un slogan, tous ensemble, contre le plan Juppé. Solidarité salariés-étudiants, coude à coude ici, Louis Vianney et le président de l'UNEFID. Un peu plus loin, défilé des cheminots, des postiers et des enseignants. L'hiver sera très chaud. Ils sont 32 000 selon la police, 160 000 selon les organisateurs. Revendication. Il faut ouvrir les négociations, mais pour ouvrir des négociations sur des bases solides, il ne faut pas mettre... En préalable, le maintien du dispositif Juppé, il faut dire, bon, ben, si on rediscute, on rediscute, on repart à zéro. Côté salarié, retrait du plan Juppé, et côté étudiant, contestation des propositions de François Bayrou. On manifeste aujourd'hui à coude avec les salariés, ce qui ne veut pas dire qu'on noie nos revendications dans les revendications du mouvement social, mais qu'on fait naître plus encore de convergence, et que c'est uni qu'on emportera tous le morceau. Eh bien, nous venons d'entendre un son capté par les micros de France 3 lors d'une manifestation de novembre 1995. Et si nous avons fait le choix d'ouvrir cette émission, c'est parce que pour les 8e rencontres d'histoire ouvrière, comme vient de le dire Karine, le Grémos s'entend organiser en décembre 2025 des rencontres sur le mouvement social de 1995 avec pour intitulé provisoire « Les mobilisations de 1995, lutte sociale, héritage et mémoire ». Alors Serge, peux-tu en préambule de notre discussion nous aider à situer et caractériser ce mouvement qui fut quand même exceptionnel dans l'histoire sociale française ? Alors ce mouvement... Donc il démarre à partir de l'annonce de ce qu'on a appelé le plan Juppé. Alors ce plan Juppé, il avait plusieurs dimensions. Une des dimensions centrales qui a été retenue et qui a été souvent au cœur des mobilisations, c'est les transformations du régime de retraite des salariés du secteur public ou parapublic, qui faisait suite à une réforme qui était intervenue en 93 au moment du gouvernement Balladur qui avait modifié le régime des salariés du secteur privé. Mais le plan Juppé ne concernait pas que ça, il y avait différents d'autres éléments et notamment un projet de loi pour la gestion de la sécurité sociale et notamment un projet de loi qui permettait à l'État de définir un état des dépenses de la sécurité sociale, c'est-à-dire des hôpitaux publics, du secteur privé, bon, tous les domaines de la santé. Et entre autres, mais par ailleurs, le plan Juppé s'est accompagné d'une discussion, d'un projet sur le contrat de plan entre l'État et la SNCF qui prévoyait la suppression d'à peu près 75 000 km de lignes, c'est-à-dire le quart de l'ensemble, et puis des économies, des plans d'accentuation de la productivité. Donc de fait, le secteur de la SNCF, les cheminots se sont retrouvés au cœur de la mobilisation, au moins à deux titres. Et c'est plutôt cette mobilisation que l'on a retenue, hein, d'autant que sur la partie retraite des cheminots, c'est-à-dire le régime spécial, bien, pour différentes raisons, les cheminots ont obtenu le retrait de ce projet, alors que par ailleurs, par exemple, tout ce qui avait trait à la sécurité sociale est passé, entre guillemets, sans encombre. Alors, je crois que tu avais l'intention aussi de situer ce mouvement dans une typologie des luttes défensives, offensives. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que, disons qu'autour des années 60, dans la période que Xavier Vignat parle d'insubordination ouvrière, il y a un ensemble de luttes qui sont des luttes offensives et qui permettent d'obtenir des acquis ou des conquis, comme disent maintenant les militants. Mais 95 se situe dans une période qui est engagée déjà depuis une dizaine d'années, où les luttes sont essentiellement des luttes défensives, c'est-à-dire des luttes où les salariés se mobilisent pour... alors évidemment, ici, les termes sont toujours un peu ambivalents, mais pour, entre guillemets, préserver un certain nombre de leurs droits, un certain nombre de conquis sociaux. Bon. Et voilà, donc on est dans cette logique-là, dans ce long processus, et 95 s'inscrit dans ce processus, et donc a le même aspect de lutte essentiellement défensive. Étant entendu que la spécificité, c'est que d'une part, eh bien, il y a cette mobilisation est en partie gagnante, puisque entre guillemets gagnante, puisque les cheminots vont obtenir l'annulation du projet de réforme de leur régime. Mais il y a un autre aspect qui est peut-être moins souvent mentionné, même si certains le font, c'est que cette mobilisation va avoir des effets politiques dans les deux ans qui suivent, puisque en 97, la droite perd les élections législatives, le gouvernement Juppé tombe et c'est Jospin qui va devenir président de... Pardon. Premier ministre. Mais le caractère défensif de ces luttes va poursuivre. Hein, et on peut dire que... on peut même aller jusqu'à 2023, hein, où on se situe en permanence dans des logiques de lutte défensive et des luttes défensives qui, dans une certaine mesure, sont toujours perdantes. Alors, 95, c'est aussi une année politique importante. Et peut-être ça nous permettrait de, si on fait le point sur la situation politique, de voir en quoi il y a une véritable bascule par rapport à tout ce que tu as dit sous ce mouvement plutôt offensif dans les années 60 et qui devient plutôt défensif après. Je crois qu'il faut rappeler que 95, c'est une année d'élection présidentielle. Voilà. Une année d'élection présidentielle particulière parce qu'elle met fin quand même au deuxième septennat de Mitterrand et donc elle clôt en quelque sorte l'époque où la gauche a été au pouvoir depuis 1981. Or c'est une gauche quand même qui est dans un état assez particulier puisque aussi bien le PS que le PC sortent un peu amoindri de toute cette période. Du côté du PS, il y a les débats internes entre la tendance qu'on appellera social-libérale et la tendance qui reste un peu, je dirais pas maximaliste, mais enfin sur des thèses plutôt presque oui, extrémistes, en tout cas au niveau du Parti socialiste. Cette tendance libérale elle est représentée par Delors et Strauss-Kahn. Peut-être un peu par Rocard aussi. Hein. Et on constate que, surtout, le Parti socialiste a connu une défaite écrasante aux législatives de 1993. Mmh. Et donc la droite est revenue au pouvoir avant même que Mitterrand ne soit battu Mitterrand ne termine son deuxième mandat en 1995. De l'autre côté, il y a l'échec du Parti communiste. Alors là, c'est beaucoup plus grave parce que le Parti communiste, il paye le tribut de ce qui s'est passé en URSS, de la chute du système. Et même si c'est un effondrement qui a commencé à se profiler dans les années 70, c'est quelque chose qui devient très, très inquiétant pour lui dans les années 90. Déjà, Marchais, en 1980, n'avait eu que 15% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis ensuite, on tombe en dessous de 10% avec les candidats comme Lajoigny ou Robert Rue plus tard. Donc il y a toute une série de démissions et de départs à l'intérieur du Parti communiste. En même temps, 95, ça peut paraître comme la victoire de la droite, mais c'est une droite qui est elle aussi divisée. Alors la division de la droite, on la connaît depuis longtemps, depuis les années 1970. Elle ressurgit en 1995, mais avec une droite qui s'est, j'allais dire, droitisée. On a vu Jacques Chirac faire un passage à Matignon entre 86 et 88, donc ce qu'on appelle la première cohabitation. Et déjà à cette époque, il a eu une politique d'inspiration libérale. Tu vois, les mesures prises, notamment les premières privatisations, la déréglementation du travail, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, des mesures d'autonomisation des universités qui vont d'ailleurs porter un coup d'arrêt à cette politique générale puisqu'elles vont susciter un mouvement très important à la fin d'année 86 qui va faire reculer le gouvernement après la mort de Malik Oussekine. Cette droite, donc, elle gagne largement les élections législatives de 93 et en 1995, c'est donc l'élection de Chirac, mais une élection qui quand même traduit une victoire d'un camp qu'on pourrait appeler un camp plutôt souverainiste, un peu encore dirigiste par rapport au camp que représentait Balladur, qui était plutôt néolibéral. Et donc quand Chirac s'installe au pouvoir, le premier gouvernement Juppé, celui qui est installé au mois de mai 1995, déplaît fortement aux Balladuriens qui vont d'ailleurs pas tarder à tirer à boulet rouge contre lui. Je voudrais ajouter quand même que dans le cas particulier de Saint-Étienne, on se situe aussi dans une situation un peu particulière puisque d'abord la ville et la région ont connu une longue phase de désindustrialisation. Ça a commencé bien avant les années 80-90, déjà dans les années 50, avec certains fleurons de cette industrie comme le cycle, puis Manufrance à la fin des années 70, qui vont disparaître. La mine, bon, c'est peut-être un peu plus inévitable. Et puis, une disparition comme celle de Creuse-Loire qui signe quand même le moment où le pouvoir met fin, c'est l'époque de Raymond Barre, dans les années, fin des années 70, début des années 80, à une politique industrielle qui était... On rappelle celle de Pompidou, l'impératif industriel. Donc on met fin à cette politique d'aide au secteur qui était en difficulté. Et donc Creuse-Loire qui va disparaître au début des années 80. Donc c'est une situation qui est moins aiguë, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont disparu, mais qui est quand même assez tendue, puisque dans l'année 95... On voit des manifestations pour la défense de l'emploi dans certaines entreprises, à Feur par exemple, à Andrézieux, à Boin, à Saint-Étienne, à Roanne, avec la question du GIAT hein, qui se pose de plus en plus. Enfin, à Saint-Étienne, il y a une vie politique qui est dominée par la droite, à quelques exceptions locales comme Londaine, ou bien circonstancielles comme l'année 77, qui est une année exceptionnelle où on voit... à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Roanne, les grandes villes du département prises par la gauche. Et en 1995, c'est aussi une année d'élection municipale et qui voit la victoire de Michel Thiolière, donc qui est un maire qui est soutenu par une alliance de toute la droite et du centre, qui est un maire plutôt centriste. Ce qui me semble important aussi pour 1995 et pour terminer sur ce point, c'est que pour la première fois depuis 1925, ça fait donc presque 70 ans, le Parti socialiste et son candidat Gérard Lindeberg arrivent devant le Parti communiste. C'est un tournant, effectivement, dans cette histoire de la gauche stéphanoise. Mais au-delà du contexte politique, nous allons évoquer aussi ce mouvement social que tu avais commencé à retracer. Et il est donc nécessaire de faire d'abord, dans un premier temps, le point sur le paysage syndical. Auparavant, bien, nous allons proposer une première pause musicale. On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire, on vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total. On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. En fin de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. Quoi vous distraire et vous en allez. De quoi vous distraire et vous en allez. De quoi vous distraire et vous en allez. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5. On vient d'écouter la loi du marché, interprétée par Cyril Mokeyesh et Bernard Lavillier. Vous êtes bien sur Radio Dio dans l'émission du Grémos, l'émission dédiée aujourd'hui aux mobilisations de 1995. Et nous retrouvons tout de suite nos invités, Serge Proust, interrogé par Jean-Michel Stenner. Bien, Serge. Nous sommes maintenant au cœur du mouvement, et au cœur du mouvement, en 1995, il y a les organisations syndicales Et donc, tu vas nous proposer un tableau, un panorama de la situation syndicale qui n'est pas simple, je crois. Oui, alors, la situation est complexe parce qu'il y a des transformations internes à chacune des grandes organisations existantes à ce moment-là, c'est-à-dire la CGT, la CFDT, Force ouvrière. Et ensuite, il y a des reconfigurations à l'intérieur d'autres organisations, notamment la Fédération de l'Éducation nationale. Alors, pour simplifier, on peut commencer par la plus importante à l'époque. Donc, la plus importante, c'est la CGT, qui est confrontée à plusieurs difficultés. La première, c'est d'abord l'effondrement de la société fordiste avec les processus de désindustrialisation, les processus de destruction des grandes concentrations ouvrières et plus largement la destruction de la société salariale, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, des manières d'être, de penser, le vocabulaire, la langue qui étaient caractéristiques de la société salariale et qu'incarnait véritablement la CGT autour de grands modèles, c'est-à-dire notamment l'ouvrier sidérurgiste, le cheminot, voilà, qui proposait une vision extrêmement positive, valorisée de ce qu'était la classe ouvrière et ce qu'était le salariat. Il y a des grands bastions comme Renault. Voilà, les grands bastions. Ou comme Creuse-Loire. Voilà, ces grands bastions où il y avait des milliers de travailleurs qui pouvaient être en plus vivre dans les mêmes communes et donc et qui fondaient aussi la puissance de la CGT et du Parti communiste. Bon. Donc, première grande difficulté, c'est la fin du monde ouvrier. Alors, quand j'ai dit la fin du monde ouvrier, c'est pas la disparition des ouvriers, mais c'est une reconfiguration complète de ce que sont les ouvriers. Hein. Maintenant, il y a encore beaucoup d'ouvriers, il y en a à peu près 20%, mais ce ne sont plus les ouvriers sidérurgistes. Mmh. Hein. Les ouvriers, c'est les précaires, ce sont ceux qui travaillent dans les universités, dans les services. Bon, voilà. Hein. Et d'ailleurs, on commence à voir un mouvement de défense des précaires en 95. Voilà. Justement. Hein. Bon, donc, pire difficulté pour la CGT, c'est ça. Deuxième difficulté pour la CGT, c'est le fait qu'elle peut être entraînée dans la déliquescence du Parti communiste. Les liens étaient tellement puissants pendant très longtemps, la CGT s'est quand même fondamentalement alignée sur les positions du PCF, que la direction... Et là, je dis plutôt la direction confédérale. Hein, la direction confédérale... est bien consciente de la situation, voire était depuis pas mal de temps en conflit avec la direction nationale du PC. Hein, par exemple, le soutien du PC à l'invasion de l'Afghanistan ou le soutien du PC au coup d'État en Pologne. Provoque des débats intenses à l'intérieur de la direction confédérale. Alors, je dis bien la direction confédérale, parce qu'évidemment, dans les directions intermédiaires, ça se passe autrement. Hein. C'est-à-dire que les militants du PC sont encore très puissants et puis n'adhèrent pas forcément aux positions de la direction confédérale. Mais en même temps, il y a des formes de solidarité. Bien, donc... la CGT, la direction confédérale met en place ou tente de ne pas être entraîné par la fin du PC. Et la fin du PC a une autre conséquence. C'est-à-dire que jusqu'alors, au fond, même il n'y avait pas forcément besoin que le bureau politique donne des directives à l'intérieur de la CGT, mais tout le monde, enfin les cadres pour l'essentiel, relevait de cette culture communiste, d'une histoire, ils pouvaient avoir fait les mêmes écoles du PC, etc., etc. Donc au fond, le communisme, entre guillemets, régulait la vie interne de la CGT. Or, le fait de ne pas vouloir être entraîné par la chute du PC, donc la direction de la CGT prend des distances croissantes à l'intérieur du PC. Et d'autre part, le fait que le PC n'est plus en situation de réguler véritablement, l'organisation plus les formes traditionnelles d'organisation de la CGT, où au fond, la direction confédérale ne contrôlait pas la totalité des fédérations. On pouvait avoir, par exemple, dans le livre des fédérations, un anarcho-syndicaliste, même très anticommuniste, chez les dockers aussi. Donc il y avait déjà une forte autonomie des fédérations. Eh bien, ce processus-là fait que la CGT est pris dans des tensions internes très, très importantes. C'est pour ça qu'une sociologue même a pu parler d'une... Alors pas forcément en parlant de cette période, mais globalement d'une situation de joyeuse pagaille à l'intérieur de la CGT. Oui. Hein. Bien. Et pour dire les choses comme ça, hein, on peut dire que ces processus de joyeuse pagaille se sont quand même poursuivis, hein, parce que depuis Bernard Thibault, après le départ de Bernard Thibault, on a quand même le sentiment que la succession des secrétaires généraux se fait dans la douleur, avec des conflits importants, plus ou moins masqués. Et comme je le dis souvent, alors de manière un peu provocatrice, hein, dans les organisations syndicales, l'organisation qui est la plus léniniste, c'est la CFDT. Parce que la CFDT, les directions sortantes sont en mesure de contrôler la suivante. Ce que depuis Bernard Thibault, la direction confédérale n'est plus en mesure de faire. Parce que précisément, ces modes de régulation interne ont complètement disparu. Donc, la CGT est dans cette difficulté-là. Hein. Donc, pas effondrement, mais déliquescence du vieux monde ouvrier, organisé, structuré, de la société liée à la fin de la société salariale. Et puis, effondrement, alors là, pour le coup, effondrement du communisme. Hein. Deuxième aspect, organisation. La CFDT. Bien, la CFDT, au fond, elle se caractérise par un lent déplacement où traditionnellement, jusque dans les années 60, elle débordait la CGT par la gauche, en quelque sorte. Mm-hmm. Il y a un lent déplacement sur, alors même si les catégories sont un peu incertaines, sur la droite, en quelque sorte. Hein. Notamment par les processus de ce qu'on a appelé la resyndicalisation, hein, qui se caractérise par plusieurs phénomènes. D'une part, la CFDT, de manière assez volontariste, expulse certains secteurs, certains syndicats, certains cadres et militants. Et puis, par ailleurs, met en place, définit des politiques qui vont heurter les militants, certains des militants qui étaient restés à la CFDT et qui vont la quitter. Hein. Déjà, en 91-92, il y a certains syndicats, militants, syndicats de la CFDT Post qui quittent la CFDT et qui vont contribuer à fonder un Sud Post. Bien. Et donc, il faut bien voir que 95, du point de vue de la CFDT, 95 intervient dans des moments où les logiques où la CFDT s'associe à la refondation sociale. Par exemple, en 92, hein, il y a un changement de direction à la direction de l'UNEDIC, puisque Force ouvrière refuse les politiques de prestations dégressives de mise en place, donc rompt avec le CNPF de l'époque, et c'est la CFDT qui prend la place de Force ouvrière pour prendre la direction de l'UNEDIC, et situation qui s'est maintenue jusqu'à maintenant. Et il est clair que, par exemple, cette politique-là va heurter un grand nombre de syndiqués, bon, extérieurs, mais aussi à la CFDT. Je rappelle que dans les politiques mises en place, on n'a même pas la moitié des chômeurs actuellement qui sont indemnisés par l'assurance chômage. Donc, ce qui se passe, c'est que la CFDT, est confrontée, à la fois se renforce, hein, ou plus précisément... C'est à ce moment-là qu'elle devient le premier syndicat. Non, c'est encore beaucoup plus. Hein, c'est un long mouvement, c'est récent en fin de compte. Hein. Mm-hmm. Bon, mais là aussi, la CFDT est devenue récemment le premier syndicat parce qu'elle a moins perdu que les autres. Parce que le phénomène, quand même, général du mouvement syndical français, c'est sa, c'est son déclin. Mmh. Alors, on peut avoir des indicateurs en termes d'élections déléguées au comité d'entreprise. Par exemple, dès les années 90, la moitié des délégués au comité d'entreprise n'ont pas d'appartenance syndicale revendiquée. Donc, dans ce processus de déclin général, eh bien, la CFDT perd moins. Alors, elle perd moins parce qu'elle est aussi... parce qu'elle est moins... elle est moins marquée par l'expérience communiste. Mmh. Il faut bien voir que dans les années 90, c'est l'effondrement... C'est non seulement l'effondrement du monde communiste, mais c'est, je dirais, l'effondrement intellectuel du communisme. Mmh. Hein. Bon, il y a longtemps que la plupart des intellectuels ont quitté le PC, mais quand même, c'est le moment où Furet parle de le livre noir du... Le passé d'une illusion. Voilà, le passé d'une illusion, mmh. etc. Hein. Bon, donc la CFDT est moins victime de ça. Et puis, elle est probablement plus, mais encore plus maintenant, davantage ajustée aux transformations du salariat. Elle est plus présente dans le tertiaire, chez les cadres, les techniciens, alors que la CGT est encore largement présente dans les fractions les plus ouvrières. Bien. Donc voilà, là, on est en 92 dans ce processus-là. Une CFDT qui, quand même, est plus ou moins suspectée de... J'allais dire de collaboration de classe. C'est-à-dire que, évidemment, en 95, c'est quand même... 95 est aussi marquant de ce point de vue, parce que je pense que c'est la première fois qu'une dirigeante de la CFDT, en l'occurrence Nicole Notat, soutient de manière aussi explicite une politique définie par la droite. Mmh. Alors, en même temps, elle peut d'autant plus le faire qu'au fond, le plan Juppé sur les retraites s'inscrit dans la continuité des politiques mises en place par le Parti Socialiste. Par Rocard, Delors, etc. Mmh. Au fond, c'est peut-être davantage, de ce point de vue, Notat qui est cohérente que le Parti Socialiste. Alors en même temps, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, moi aussi, en dépit de la fin du monde communiste, qui est quand même largement... Le monde communiste est à l'origine de toutes les grandes scissions syndicales, celle de 22, celle de 47, 48. On n'assiste pas à une réunification, mais au contraire à un morcellement encore plus accentué. Un émiettement encore plus accentué. Ce qui fait qu'après 95, on n'aura plus 3 confédérations, mais 7 confédérations. Ouais. Alors, ce qui se passe, il y a 2 phénomènes importants à noter. Le premier phénomène, c'est ce qui se passe chez les organisations autres... Alors, on peut mettre plein de guillemets, mais réformistes qui ne se retrouvent pas dans la CFDT. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 92-93? C'est d'une part un éclatement de la Fédération de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que la Fédération de l'Éducation nationale était divisée en différents syndicats en fonction des métiers. Le SNIP pour le primaire, le SNES, le SNESUP, le SNEP pour les professeurs d'éducation physique. Bien. Et à l'intérieur de ces syndicats et de la FEN, il y avait donc des courants. Des tendances. Hein, oui. Des tendances. Donc historiquement, le courant dominant, Unité, Indépendance et Démocratie, était un courant proche du PS. Mmh. Et plutôt de la droite du PS, et c'était lui qui était dominant, en quelque sorte. Et parce que sa place forte, c'était le syndicat national des instituteurs, à partir duquel la FEN, et puis d'autres avaient bâti ce que certains ont appelé la forteresse enseignante, avec la MAIF, la CAMIF, le GCU. Il y avait même une association des donneurs de sang de l'éducation nationale. Donc, d'un certain point de vue, les instituteurs pouvaient s'habiller, se vêtir, se loger, se marier, aller en vacances dans cet univers-là. Ouais. Et qu'un univers qui est bâti autour du SNI. Bien, mais ce qui se passe, c'est que notamment avec le développement de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, le poids relatif du SNI baisse au bénéfice du SNES, surtout, et dans une moindre mesure du SNESUP. En même temps qu'il y a une forme de rééquilibrage entre syndicats, il se constitue une autre tendance, Unité Action, largement dominé par soit des militants communistes, soit par des militants proches, en quelque sorte, hein, donc qui peuvent être plus critiques, dans un rapport plus contestataire avec les politiques de l'État. Et ces organisations, cette tendance va acquérir un poids croissant, et notamment parce qu'à un moment donné, ils prennent la direction du SNES et du SNESUP. Et leur part à l'intérieur du SNI augmente. Bien. Et donc, de fait, la direction UID pouvait se sentir menacée, donc de perdre la direction de la FEN. Et donc, ce qui se passe en 92, c'est en fin de compte un éclatement. Alors, on ne va pas faire une longue discussion, c'est pour savoir quelle est la responsabilité des uns et des autres. Hein. Bon, d'un certain point de vue, tactiquement, Unité et Action n'avaient aucun intérêt à l'éclatement de la FEN. Bon, donc c'est plutôt UID, les socialisants, entre guillemets, qui poussent à cet éclatement. Bref, ce qui se passe, c'est que les courants proches, la tendance UID, donc, va se débarrasser en quelque sorte des courants Unité Action, vont maintenir la FEN, vont se rapprocher de fédérations autonomes, notamment une des fédérations autonomes dans les transports, et ils vont constituer en 92-93 l'UNSA. Donc l'UNSA, c'est le rassemblement d'un certain nombre de fédérations autonomes, plus tous les courants, tous les syndicats issus de la FEN. D'accord. Ça, c'est le 3. Ensuite, eh bien, tous les courants et les syndicats qui étaient proches d'Unité Action constituent une autre fédération, la Fédération syndicale unitaire. Bon, la FSU, hein, qui est maintenant, par exemple, chez les instituteurs, on constate un basculement. Ils sont largement majoritaires parmi les instituteurs. Hein. Bon, qui peut être lié à des phénomènes de déclassement, enfin bref. Mais c'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Hein. C'est que les difficultés internes à la CFDT font qu'un certain nombre de syndicats quittent CFDT et puis se constituent en syndicats en Sud, syndicats unitaires et démocratiques. Et en 94, je ne me souviens plus, 93-94, donc se réunissent au moment de 95 et ça va déboucher en 96-97 sur la constitution de Solidaire. D'accord. Donc 95 est aussi important de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il accentue le processus, il participe du déclin, en fin de compte il n'arrête pas le déclin syndical, hein, même si dans l'immédiat on ne le constate pas, mais surtout il accentue le processus d'émiettement du mouvement syndical. Bien, alors on a vu l'aspect politique, l'aspect syndical. On va faire une petite pause avant de revenir sur le plan Juppé, proprement dit. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles. Ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté. Vous écoutez Radio Duo. On vient d'écouter Hexagone de Renaud et vous êtes dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui aux mobilisations de 1995. Et nous retrouvons tout de suite nos invités, Serge Proust et Jean-Michel Stenner. Bien, notre dernier plan, dernier temps de cette émission va être consacré au plan Juppé lui-même et surtout à la mobilisation. Le plan Juppé peut être considéré presque comme une allumette dans un baril de poudre, puisque la situation sociale française va se révéler très vite explosive. Je rappelle quand même que Jacques Chirac s'est fait élire, je dirais presque sur une campagne de gauche. En tout cas, il a beaucoup développé le thème de ce qu'il a appelé la fracture sociale, donc, avec la volonté de construire un septennat qui réparerait cette fracture sociale, bon, notamment par rapport aux questions qui se posent dans les quartiers, aux questions qui se posent éventuellement sur la désindustrialisation, le chômage. Et donc il se présente dans un discours qui s'oppose à celui des baladuriens, comme je l'ai dit au début, un discours libéral, pro-européen, les chiraciens étant plutôt souverainistes, certains d'entre eux ayant d'ailleurs appelé à voter non au fameux référendum pour Maastricht en 1992. Donc il est élu sur ce thème de la fracture sociale, il choisit Alain Juppé comme Premier ministre, mais très vite ce gouvernement va se retrouver confronté à un certain nombre de difficultés économiques et sociales, et le 26 octobre 1995, dans une allocution télévisée, Chirac annonce que sa priorité est désormais la réduction des déficits publics et que cette réduction, eh bien, elle va passer par un certain nombre d'économies qui vont toucher en particulier la question des retraites, la question de la sécurité sociale, la question des services publics. C'est Alain Juppé qui est chargé de mettre en œuvre cette politique. Et il commence d'ailleurs par transformer son gouvernement. Le gouvernement Juppé II est formé au milieu du mois de novembre 1995 et par présenter le 11 novembre 1995 un plan sur les retraites et la sécurité sociale dont tu as largement déjà, Serge, présenté les grandes lignes. Ce plan va constituer, le thème de la mobilisation de 1995. Alors je vais te laisser nous en parler plus abondamment. Oui, alors, donc au départ, au fond, ça se présente relativement bien pour Juppé. D'une part, les syndicats sont divisés et puis certains secteurs du Parti socialiste ne sont pas totalement opposés à ce projet par exemple, ne serait parce que ça s'inscrit dans certaines orientations politiques déjà mises en œuvre par différents gouvernements socialistes dans les années 80 et au début des années 90. Hein, par exemple, Juppé, dans son projet de réforme du régime des retraites, ben, s'appuie en partie sur un livre blanc qui avait été commandé par Rocard les années précédentes. Bon, un basculement politique là va intervenir quand Jospin, qui est à l'époque le leader du PS et globalement de la gauche, vu l'état du Parti communiste, bien sûr, au fond, prend position contre ce plan. C'est quand même, excuse-moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de mobilisations pendant le mois d'octobre des cheminots, de salariés du service public et des étudiants aussi qui vont bien sûr montrer que l'état de l'opinion publique est bien sûr en ébullition. Voilà, bien sûr. Hein. Qui explique donc, peut-être... Qui explique en partie, parce que, bien sûr, à la fois Jospin dirige le Parti socialiste, mais il voit bien qu'il y a certains courants du Parti socialiste qui seraient plus ou moins proches. Mais en même temps, Jospin... aussi s'érige un peu en rupture par rapport à Mitterrand. Il pouvait y avoir réclamé un droit d'inventaire. Bon. Et puis, évidemment, il y a les luttes sociales importantes. Donc, ces différents facteurs le poussent probablement à s'opposer au plan. Bon. Pareil, disons que le soutien pouvait être perçu ou anticipé comme plus important parce qu'il y avait la CFDT qui manifeste de fait son soutien. Mais bon, la CFDT participe encore à une manif en novembre, mais bon, rapidement la mobilisation se développe autour de la CGT, même de FO, pour la première fois depuis très très longtemps, de manière spectaculaire, Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT, et puis Marc Blondel, le secrétaire général de Force ouvrière, font exprès, devant les télévisions, les caméras, de se serrer la main. Bon. Donc ça participe aussi à ces objectifs de reconfiguration. Et puis il y a Sud qui est qui se constitue. Il y a les milieux enseignants qui sont aussi en termes de mobilisation. Bref, c'est une mobilisation qui touche de multiples secteurs et qui va prendre différentes formes. Et on commence à voir aussi, excuse-moi de te couper, pas de problème, des mobilisations qu'on pourrait appeler sociétales, notamment par rapport à une amorce de projet de remise en cause du droit à l'avortement avec une grande manifestation féministe avec la fin du mois de novembre. Parce qu'il y a la droite réactionnaire autour de Christine Boutin, par exemple, qui peut aussi se dire que c'est son heure. Quoi, avec, pas forcément avec Juppé, mais les gens autour de Juppé, elles peuvent se dire que c'est son heure. Bien, donc là, il y a comme ça un ensemble... Même si dans notre imaginaire, certaines luttes restent plus importantes et d'autres ont un peu disparu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mobilisation va prendre plusieurs formes. Bon, une forme principale, ce sont les grèves. Hein. Bon, les grèves est historiquement considérée comme un indicateur de la conflictualité sociale, parce que c'est entre guillemets plus facile à compter quand c'est compté. Hein. Donc ça pose la mesure de la grève comme indicateur de la conflictualité pose des problèmes de méthode sur lesquels on ne va pas revenir, mais bon, c'est quand même un indicateur, parce que pour faire grève dans certaines entreprises, c'est toujours un risque, c'est incertain, et c'est la DARES... Comment ? C'est un engagement. Et c'est un engagement. Hein. Et la DARES, un service du ministère du Travail qui fait de la statistique, montre qu'en 95, c'est l'année où il n'y a jamais eu autant de grèves depuis 68, et d'un certain point de vue, il n'y en aura jamais autant jusqu'à maintenant, peut-être même jusqu'en 2023. Bien, mais les grèves, elles sont quand même très centrées autour des cheminots. Hein, puisqu'ils vont faire grève quasiment un mois. Et évidemment, c'est à la fois massif, c'est à la fois efficace, parce que ça se voit. C'est médiatiquement efficace. Bon, il y a les reportages, les télés qui vont dans les gares et puis qui montrent que tout est fermé. Et puis bon, c'est une efficacité économique et politique. Hein. Bien, mais on ne peut pas limiter ça. Parce qu'il y a aussi une forme de grève par procuration, c'est-à-dire toutes les enquêtes montrent qu'il y a un grand nombre d'actifs, de travailleurs, de salariés qui ne vont pas faire grève parce que pour eux c'est impossible, ne serait-ce que pour des raisons financières ou parce que les relations sociales dans leur entreprise interdisent, mais qui de fait vont soutenir cette lutte, soit parce qu'ils vont financièrement aider, et notamment parce qu'ils vont participer aux mobilisations, les manifestations quand elles ont lieu le samedi, et là, qui vont rassembler des millions de personnes. Donc, qui est un indicateur très, très important. Et d'ailleurs, c'est un indicateur d'autant plus important qu'à un moment donné, Juppé dit que s'il y a plus d'un million de personnes dans les rues, il va réviser le plan. Et on le prend au mot. Et on le prend au mot. Bon. Et donc, il est conduit, hein, alors il est conduit à annuler, alors pas la totalité, hein, bon, je ne vais pas développer, je l'ai déjà dit, mais il va annuler ce qui a trait au régime des cheminots. Donc, évidemment, dans la mesure où, de leur point de vue, les cheminots ont gagné, mais la grève s'arrête, quoi. Et de fait, la mobilisation, le mouvement, bon, de manière plus ou moins compliquée, pas brutalement, mais va se déliter, quoi. Donc ça, c'est un phénomène, c'est quelque chose à retenir de 95. Deuxièmement, j'y reviens pas, c'est les reconfigurations syndicales, c'est ces phénomènes d'émiettement. Troisièmement, ce qui est à retenir, c'est que 95, c'est la dernière fois où les dirigeants vont prendre en compte l'importance des mobilisations sociales comme facteur de la vie démocratique, comme facteur d'un indice social, comme facteur à prendre en compte. Hein. C'est-à-dire ce que faisait Juppé. Juppé disant, s'il y a un million de personnes, je vais réfléchir ou je vais reconfigurer. C'est-à-dire pour lui, l'importance, l'intensité de la mobilisation faisait partie des processus démocratiques. À partir de 1995, probablement instruit par la difficulté de Juppé, à partir de là, sous prétexte de, entre guillemets, ce n'est pas la rue qui commande, hein, ce que vont répéter tous les dirigeants jusqu'en 2023, puisqu'en 2023, on est bien confronté à la même situation, les dirigeants décident, enfin, et de gauche comme de droite, hein, que ce n'est plus un indicateur. Et donc, ne vont plus s'aligner, ne vont plus prendre en compte ces différentes mobilisations. Troisième aspect de cette mobilisation, c'est le développement des nouvelles formes organisationnelles, notamment autour de la forme coordination. Hein, c'est-à-dire, qui au départ, au fond, s'opposent aux formes syndicales vécues comme trop bureaucratisées, hiérarchisées, et que les syndicats vont être obligés de prendre en compte. Ce qui fait qu'ils vont intégrer dans leurs pratiques ces pratiques d'auto-organisation, en quelque sorte. Et j'ai vu que Christian Chevandier notait que beaucoup des gens qui ont fait grève ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, et donc ont connu les coordinations lycéennes du début des années 70. Voilà, bien sûr. Parce que arrivent, par exemple, chez les cheminots, des gens des jeunes ou moins jeunes, qui sont passés soit par le lycée, soit qui ont commencé des études universitaires, et qui ont connu cette forme organisationnelle. Hein, les premières coordinations, elles apparaissent dans le monde lycéen dans les années 68. Hein. Et donc, voilà, il y a une génération qui a appris des formes de lutte, une génération qui est davantage critique à l'égard des forme organisationnelle bureaucratisée et qui va mettre en place, qui va proposer et ce qui va être aussi une manière de mobiliser des fractions de jeunes. Et donc les organisations syndicales sont assez réticentes au départ parce qu'elles ont peur de se faire contourner, en quelque sorte, déborder, se passer en 68. Mais elles vont apprendre, elles vont davantage apprendre à prendre en compte ces nouvelles formes. D'accord. Alors avant de conclure, parce qu'il faudra qu'on parle un peu des perspectives, est-ce que tu peux nous dire comment on va travailler au sein du Grémos rapidement pour préparer ces rencontres. D'accord. Donc, il va y avoir plusieurs... J'y vais vite et tu pourras compléter. Oui. Un travail, d'historien en quelque sorte, sur les archives, à la fois les archives journalistiques, les archives des organismes d'État, éventuellement les archives des organisations syndicales. Et puis un élément très important, c'est d'avoir une série d'entretiens avec des militants de l'époque ou des militants actuels, parce que ce qui nous intéresse, c'est un des objets du travail du Grémos, c'est quelle est la mémoire, quels sont autour des souvenirs, quelle est la mémoire de ces mobilisations, alors 95 ou 96 ou 97. Est-ce qu'il y a une mémoire qui se transmet ou qui ne se transmet pas? Et qu'est-ce que les militants de l'époque, mais aussi peut-être les jeunes militants, gardent ou ne gardent pas, ou peut-être que ça a complètement disparu, de la mémoire militante? Et on va le compléter par un travail, une analyse des productions sociologiques ou des sciences humaines, parce que, au fond, c'est peut-être les analyses sociologiques qui construisent un récit qui donne du sens à ces mobilisations. Alors parfois, des sens plus ou moins contradictoires. Étant entendu, et je finis très rapidement là-dessus, que 95 a été aussi marqué par la cristallisation de conflits à la fois théorique et politique dans le monde des sciences sociales, entre des courants sociologiques qui se sont un peu affrontés derrière deux grandes pétitions. Ouais, tu viens parfaitement de dessiner le programme d'une prochaine émission que nous ferons, non pas en février, mais peut-être en mars ou en avril. On n'a pas encore exactement arrêté la programmation. Eh bien, Serge, je te remercie pour toute cette présentation. Et puis... on va passer à l'agenda avant de dire au revoir à nos auditeurs. Tout à fait. Merci Jean-Michel, merci Serge. Donc voici quelques infos au niveau de l'agenda sur les prochains événements en lien avec le Grémos. Donc notamment l'ARRH, l'association ripagerlienne de recherche historique, présentera une exposition sur l'histoire de la société de forgeage de Rive-de-Gier. Donc cette exposition sera visible tous les jours du 21 au 31 janvier 2025 de 9h à midi et de 14h à 18h au cinéma Le Chaplin, salle Jean Dastet à Rive-de-Gier. Et en complément de cette exposition sera diffusé le documentaire Sans soudure, épopée d'une forge de Rive-de-Gier les vendredis 24 janvier à 19h30 et le samedi 25 janvier à 15h toujours au cinéma Le Chaplin, salle Jean Dastet. L'accès est gratuit, mais sur réservation à l'adresse mail suivante arrh42@orange.fr. Notez également que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.gremos.fr notre nouvelle rubrique « Une image des questions » qui vous propose une enquête autour des clichés méconnus des archives musicales de des archives municipales de Saint-Étienne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Serge, merci Jean-Michel, merci, un grand merci aussi à Caroline Costil qui était en binôme à la technique aujourd'hui. Amis, auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 12 février 2025 à 18h. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.